On se perd, c'est taré, on vit sans se préparer. Sortir sa science, c'est le tarif, et dire de la merde, c'est pareil. Au final, tout a foiré, plus rien tourne rond. Depuis qu'on simule un semblant d'être carré, sans raison. On se retrouve entouré à foison d'enfoirés. Autant visiter le parc au Lyon, toi, Harry, à pied sans 4x4 ou toi, Egg. Accroche-toi, on vaut plus rien à ce qu'il paraît. Y'a plus personne dans l'appareil. On recrute des pousseurs au bord des falaises. En bas, ça s'entasse comme de la poussière. Tu veux la jouer roi des fourmis? Alors tiens, balaye. T'es qu'un train de savate qui se laisse porter un sans âme au réveil. Et chacune de tes journées se répète. La réussite, c'est ta compète. Mais sache que ton attitude, ta situation, ta lassitude, c'est ce qu'on peste. Tout autant que tu es, mec, autant que tu es. Ta réalité resterait floutée, même si je venais t'enlever la buée. Alors vas-y, appuie sur le bouton. Vas-y, continue, joue le mouton. Pousse bien le bouchon. Tu feras toujours tâche sur le torchon. Et sachez qu'au-dessus comme en dessous, y'a plus de pitié. On s'en prend de tes yeux poupons. Ça fait longtemps qu'on lâche plus les larmes de crocodile. À la recherche des larmes perdues, ouais, c'est ça le deal, gros. Fais comme moi, fais comme moi. Ferme ta gueule si tu sens le candide trop haut. Fais comme moi, si tu ne sens plus l'âme du patriote à force de porter le chapeau. Fais comme moi, fais comme moi. Cherche plus les larmes perdues sous les couleurs de nos drapeaux. Fais comme moi, ferme l'âme et garde toujours la tête haut. C'est ça le deal, gros. Alors c'est vrai, ça nous dirige consciemment ici et là. Au final, la France, sa liberté, me demande pas si elle a. Je penserai voir d'autres horizons, mais je sais que je finirai là. Ça y est maintenant, je sais qu'il y a plus de temps à perdre. Pousser les projets à terme, apprendre aux gosses à s'épatouiller. Les pieds dans la merde, quand je vois le peu qu'on va leur laisser. Une poignée de rictus, de vainqueurs, une ribambelle de cœur blessé. Y'a de quoi finir autiste, à force de se faire tirer par la ficelle des marionnettistes qui s'en battent les reins. À la faciès d'un balotelli, je m'en foutiste sur le terrain. Pour eux, tu n'es qu'un banal, t'es rien. Bon à traire, bon qu'à faire, mec, t'es rien. T'es qu'un numéro de sécu, un mouton vaincu, là pour apporter leur pécule pendant que ça se nourrit à la spatule. Fais comme moi, fais comme moi. Ferme ta gueule si tu sens le candide trop haut. Fais comme moi, si tu ne sens plus l'âme du patriote à force de porter le chapeau. Fais comme moi, fais comme moi. Cherche plus les larmes perdues sous les couleurs de nos drapeaux. Fais comme moi, ferme l'âme et garde toujours la tête haut. C'est ça le deal, gros. Tu veux ta part, te rebeller. Y'a que dans les rêves où tu joues le Spartacus. Un mot d'expression de travers et c'est tout l'état qui t'accuse. Prisonnier de leurs tentacules, on apprend à se forger. Alors ne venez plus chercher nos larmes car celles-ci ont bien séché, on en a plus. Yeah, à la recherche des larmes perdues.